comme la première fois en chantant Shabadabada. Je me souviens de cette phase B. Starsky et Hutch ont col roulé. C'était bien avant le laser. On chantait Love is in the air. Oh, si on mettait nos vies sur pause un instant, plus de messages et plus d'images, rien que l'envie de voyage, voyage. Si on ressortait les vinyles, qu'on éteignait tous les mobiles, et si on pouvait danser comme la première fois, surtout c'est Shabadabada. C'était hanché sur un air disco. Pas d'effet chaud sur un plateau. S'envoler pour Alexandrie avec l'enclos. Si on repartait à zéro. Ce soir tu seras mon Aline, ma Gabrielle et ma Sarah. Bonjour à tous les auditeurs et auditrices de Radio Guémozo, vous êtes sur le 107 FM. Merci d'être à l'écoute, vous nous suivez sur le web www.radioguémozo.eu ainsi que sur les réseaux sociaux. Bonjour le Québec, le Maroc, la Belgique, la Suisse et l'Italie. Bonjour Marc, à la technique. Bonjour Gilou. Vous êtes avec Gilou, je vous accompagne en musique et en direct dans les années bonheur jusqu'à 17h. J'ai le plaisir de recevoir cette semaine par téléphone un artiste Manu Romantique qui nous vient de la région d'Amiens et qui va nous parler de son parcours musical et de son dernier album. Avant de rejoindre Manu, un petit coucou au fan club des années bonheur et pour vous dire que cette émission est la dernière de la saison et bien sûr on se retrouvera à la rentrée début septembre. N'hésitez pas à nous laisser des messages sur la page Facebook de notre radio et sur la page Gilles Mougel officiel, je transmettrai en direct à notre invité que je rejoins maintenant. Bonjour Manu. Bonjour Manu. Bonjour Gilles, comment vas-tu? Et toi Manu, ça va bien? Ça va bien, bah, écoute, oui. Je suis très heureux d'être dans ton émission aujourd'hui. Merci de m'avoir invité. Ah ben c'est, bonjour. C'est très... Oui. Oui, vas-y, je t'en prie. Bonjour aux auditrices et aux auditeurs de Radio Guémozo et à toute l'équipe de Radio Guémozo. Je suppose que tu n'es pas tout seul, tu as des techniciens derrière toi. Voilà, ouais, oui, j'ai un technicien devant moi. Devant c'est Marc qui est avec moi, donc à la technique. Ah bah bonjour à Marc, alors, voilà. J'en profite. Bien le bonjour. Voilà. Bon. Bah écoute, Manu, bah c'est gentil d'être sur nos ondes, hein, avec nous donc, cet après-midi pour cette émission. Bah, écoute, c'est un plaisir pour moi. Ouais, et bien le plaisir est partagé. Puis je voulais dire aussi, on va peut-être dire merci à Mado. C'est Mado qui nous a mis en contact. Tout à fait, tout à fait. Vrai. Ben, je l'oublie pas. Et j'espère venir quand mon prochain album sortira. Je ne serai plus au téléphone, je serai de visu devant toi avec, sûrement avec Mado, je l'emmènerai avec moi. Ah bah ça c'est formidable. C'est ouais, des voilà. Bonnes nouvelles. Je vais être en retraite bientôt, donc ouais. Je vais pouvoir avoir plus de temps parce que là je suis encore au travail donc mais je vais être en retraite dans 4 mois donc ça va aller beaucoup mieux. Ça va aller beaucoup mieux, oui, tu auras plus de temps, tout ça, ouais. Oui. Ouais, voilà. Et oui, et puis ce nouvel album sortira quand? Ben écoute, il est en préparation. Pour l'instant, on est en train de travailler sur on a déjà 2-3 chansons de prêtes, mais oui. Bon, entre deux, je vais faire des autre chose parce que je fais un duo burlesque. Je ne sais pas si tu as entendu la dernière chanson si, de l'album. Si, oui, j'ai entendu. Donc, oui. Le oui. Duo avec. Donc, je fais un album de, un album de 6 titres de chansons burlesques, un petit peu. D'accord. Un petit peu coquine, quoi, mais genre. Ah oui, d'accord. C'est bien. Ouais. Et je vais faire un single en duo avec une autre chanteuse que je connais depuis que j'ai lancé, qui est de Normandie. Donc, on a quelques projets sous le coude, quoi, qu'on va mettre, qu'on va concrétiser dans l'année. Là. Mais l'album, je ne sais pas exactement quand est-ce qu'il sortira, peut-être pour la fin de l'année, je pense, si tout va bien. Donc on aura le plaisir de vous voir peut-être avant la fin de l'année, ou bien sûr... Je pense que ça sera début d'année. D'accord, bien sûr, il n'y a pas de problème. Mais je reprendrai rendez-vous avec toi si tu veux bien. Mais bien sûr, il n'y a pas de souci. Ben justement, là, toi, j'ai un petit message de Mado qui vient d'arriver là. Donc, comme je disais, hein, je ne sais pas si tu as entendu dans l'intro, donc ben, je livrerai les petits messages pour. Donc, coucou Gilou, bonne émission avec Manu. Lui, je viendrai avec lui. Bisous à vous deux et à Marc. Voilà. Elle dit. Elle a entendu. Elle est à l'écoute, Mado. Elle est à l'écoute. Ouais, j'ai fait des gros bisous à ma Mado. Alors on lui fait des gros bisous à Mado. Hein. Tu sais qu'on avait fait une émission ensemble avec Mado. Hein. Ouais, j'avais écouté. J'étais à l'écoute. Je ne sais pas si j'ai appelé. Je crois, je ne sais plus. Non, je crois pas. Non, j'ai pas le souvenir. Tu nous as appelé. En tout cas, j'ai écouté. C'est sûr. Ouais. Ça y est. Mais je me rappelle pas si j'avais passé un petit coucou à l'antenne. Je ne sais plus. Peut-être par message sur téléphone. J'étais à l'écoute, c'était sympa en plus, j'ai bien aimé. Mado était dans les Vosges, alors j'ai dit écoute, tu vas pas repartir des Vosges sans faire une émission à Radio Imozo. Comme moi, je lui ai promis aussi de faire une émission avec elle dans l'Oise, à Radio Puisalène. Ce jour-là, j'essaierai d'être là. Bien sûr. Avec grand plaisir. Elle dit, j'écoute, je contrôle la situation. Ouais, d'accord. Alors, Manu, on a parlé déjà de tes projets, tu vois. Ouais. Mais on va parler quand même de ton album. Bonjour Madame, hein, c'est bien ça. Oui. Bonjour Madame. Ça, c'est un album qui est sorti il y a longtemps. Il y a 4-5 mois. 4-5 mois, d'accord. À peu près. Le temps passe tellement vite que je ne sais plus, parce que d'un album, j'enchaîne sur un autre, alors... Oui, c'est, ça s'affile, ça s'affile, c'est vrai. Alors voilà, j'y ai pris goût, parce que au départ, je faisais des reprises, et c'est Mado qui m'a dit, c'est bien les reprises, mais il faudrait que tu aies ta propre personnalité. Bien sûr. Il faudrait que tu aies tes propres... composition, donc je dis moi je veux bien, je suis prêt à tout, mais je dis je connais personne pour composer, elle me dit ça c'est pas un problème, donc elle m'a donné les coordonnées de mon ami compositeur qui s'appelle Jamy Calbez, j'espère qu'il a l'écoute, s'il a l'écoute il fait un petit coucou aussi. Ben voilà, donc Jamy Calbez, voilà, on peut le citer hein, bien parce sûr que, voilà, si je suis dans la chanson, c'est grâce un petit peu à ces personnes là et puis à mon coach musical qui maintenant chante avec moi. Je l'ai emmené dans l'engrenage. une fois qu'on a les pieds dedans on veut plus en sortir, c'est vrai. Non. Alors tout à l'heure tu parlais de petites chansons, enfin oui, sur ton futur album, de chansons un peu coquines, enfin coquines, oui, on va dire gentiment bien sûr, coquines. Oui, voilà. Gentiment, il est pas, c'est pas... Mais moi j'ai un ami qui écrit, qui m'avait proposé aussi une chanson un peu coquine comme ça. Voilà. Ouais. Donc, Mais les gens aiment bien. Hein. Moi, je peux te dire que quand je fais des prestations, les gens apprécient. Et puis les gens qui connaissent l'album et puis qu'ils connaissent la chanson, ils disent, ah, tu nous fais le serpent bleu, ça marche bien. Des fois, ils nous prennent souvent à l'improviste, quoi. Donc on se lâche, on y va, quoi. Oui, et puis c'est pas vulgaire non plus, hein. C'est sympa. Non, c'est pas, ça reste sympa. Ouais. Ça reste correct. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors, comment je vais dire, donc, Manu, la chanson, elle arrive à quel moment dans ta vie, dans ton... L'envie de chanter. Ouais, l'envie de chanter, ouais. Ça m'est jamais venu, parce que moi, au départ, je suis musicien à la base d'orchestre. Oui, j'ai vu ça sur ta bio. J'avais fait 2 ans de conservatoire et puis mon instrument principal de base c'est la batterie, donc voilà. Après je me suis mis à la guitare basse et puis là je me suis remis à la guitare électrique pour m'accompagner un petit peu. Mais j'avais pas au départ envie de chanter, j'étais plutôt... Musicien ? J'étais plutôt ingénieur du son, je faisais chanter les autres artistes, donc j'étais dans l'ombre. D'accord. mon plaisir, c'était de sonoriser les autres artistes et puis d'aller voir mes amis artistes. Et puis ça s'est fait par hasard. J'ai une amie artiste que je vais faire des duos avec elle, là, qui vient un jour et puis qu'elle répète ses chansons dans mon petit studio. Et puis machinalement, je prends un micro et puis je chante avec elle, parce que c'était des chansons que je connaissais. Oui. Et c'est venu comme ça que son mari et puis mon coach musical, ils ont dit, oh, il y a quelque chose à faire là. Il va falloir vous travailler un petit peu. J'ai dit, quoi, travailler? J'ai dit, moi, je suis pas chanteur. J'ai déconné comme ça, c'est tout. Mais et ils m'ont dit, si, vous allez travailler parce que tu as une belle voix, tout ça. Bon, ben, je me suis pris au jeu, quoi, en fin de compte. Et puis, je regrette pas, quoi. C'est venu comme ça, par hasard, quoi, en fin de compte. Mais maintenant, depuis le temps que je suis dans la lumière, je veux plus aller dans l'ombre. Oui, c'est ça. C'est passé de l'autre côté. J'ai passé le cap, mais c'est très agréable. Bah, bien sûr. Et je regrette pas. Je regrette pas d'avoir travaillé parce qu'il a fallu que je travaille pas mal quand même parce que il y avait du boulot. Ouais. Mais quand on veut quelque chose, bon bah on travaille et puis on essaie de faire du mieux qu'on peut, quoi. Bien sûr. Et ouais. Voilà. Et puis avec un super compositeur comme j'ai, ça va tout seul, quoi. Et tu t'es entouré d'une coach musicale, je suppose, aussi pour travailler aussi sur la voix, tout ça. C'est la personne qui chante avec moi. D'accord. Et qui m'a mis le pied à l'étrier, quoi, et elle m'a pas lâché, quoi. Elle m'a dit, non, tu vas bosser. Et c'était très dur parce qu'elle est très exigeante, donc quand ça n'allait pas vraiment, t'arrêtes, tu recommences. C'était assez chaud, quoi. D'accord. C'est quelqu'un qui fait, c'est quelqu'un qui fait partie de ta vie, peut-être. Enfin, je veux dire, non, qui t'accompagne. Oui, bah, elle fait, oui. Je fais partie de ma vie, je fais partie de mon équipe. Voilà, d'accord. J'ai toute une petite équipe autour de moi, et puis voilà, quoi. Je voulais pas être indiscret, hein, mais c'est juste... Ouais, tu peux peut-être la citer, non? Tu peux dire non, je sais pas, faire comme oui, tu veux. Oui, bah, si elle est à l'écoute, bah, c'est Aliette, j'ai fait des gros bisous. Ah ben voilà, elle doit être à l'écoute normalement parce que j'ai dit d'écouter la radio, donc on lui fait des gros bisous. D'accord. Ouais. Et puis bah t'auras l'occasion de la voir aussi, mon cher. En or, ce jour-là, je vais venir avec mon harem. Oh là, tu vas venir. Tu vas venir avec un bus là, Manu. Alors si tu veux bien, Manu, on va écouter une première chanson. Oui. Hein, de cet album, oui, donc Bonjour Madame. Oui. Hein, parce que ça c'est le deuxième album, si j'ai bien suivi. C'est le deuxième album. C'est le deuxième avec album, hein. Jamy, oui. Ouais, voilà. Avec Jamy, d'accord. Ouais, ok. Avec Jamy, donc voilà. Donc on écoute ce premier titre, C'est pour toi. Ok. C'est pour toi que je donne ma vie, c'est pour toi, toi que j'aime aujourd'hui, c'est pour toi qui me donne l'amour que j'attends depuis toujours. C'est pour toi qui as su me parler, c'est pour toi qui as su m'écouter tendrement sans jamais me juger, je ne peux l'oublier. Laisse-moi t'aimer, te consoler toute la nuit. Laisse-moi entrer et découvrir ton paradis. C'est pour toi que je chante aujourd'hui. C'est pour toi que j'allume ma vie. C'est pour toi qui me donne l'espoir de revivre une autre histoire. C'est pour toi, mon amour, tu le sais, c'est pour toi que je voudrais changer. Grâce à toi, j'ai retrouvé la joie bien cachée au fond de moi. Laisse-moi t'aimer, te consoler toute la nuit. Laisse-moi entrer et découvrir ton paradis. Laisse-moi t'aimer, te consoler toute la nuit. Laisse-moi entrer et découvrir Voilà, c'est pour toi. Oui. Le titre hein, de cet album, Bonjour Madame. Alors Manu, romantique. Alors Manu, tu es un grand romantique. Oui, oui, oui. Oui. Alors oui, depuis toujours, oui. Alors on peut serrer la main. Enfin, pour l'instant, on ne peut pas serrer la main, mais... on pourra serrer la main quand on se verra. Oui. Mais voilà, moi, je suis aussi un grand romantique. Oui, oui, bah, je sais, parce que j'adore une chanson que tu chantes, et J'emmène ton cœur en voyage. Ah oui, oui. Oui, c'est vrai que... Ouais, je... Voilà, oui, j'ai fait cette chanson. Ah, ouais. Et en plus, t'as une belle voix, en plus. Bah, écoute, c'est un plaisir de t'écouter, franchement. Bah, merci, c'est gentil. C'est pas la probate que je passe. Hein, c'est non, je sais bien. Merci, je pense toujours ce que je dis. Merci, c'est gentil à toi, tu sais. Et puis au début au début, quand j'ai commencé, c'est pareil. Je me suis entouré aussi d'une coach vocale quand même, parce que bon, ouais. On me disait ben oui, tu chantes bien, tu chantes juste, mais bon, je voulais avoir l'avis d'une coach vocale quand même, et puis travailler la technique de chant. Ouais. Voilà, donc j'ai des petits projets aussi, moi. Mais bon, c'est ce que j'ai su. Ouais. Oui, oui. tu l'avais dit ou tu l'avais marqué. Ouais. Mais bon, là, tu me l'avais mis en privé. Ouais, c'est possible, oui. Mais bon, on n'est pas là pour parler de moi, on est là pour parler de toi. Oui, mais bon, c'est pas grave. Non, c'est pas grave. Voilà. C'est pas grave. Mais donc, oui. Oui, non, vas-y. Oui, donc, tu nous as expliqué tout à l'heure bon, que t'étais dans l'ombre, hein, tu t'occupais de sonorisation, etc., de choses comme ça, tout ça, et puis, tu l'as fait combien de temps, ça, Manu, enfin, tout ce qui était cette partie technique, hein. Tout ça, tu le fais encore? Je le fais toujours. Ouais, tu le fais toujours. Je le fais encore, ouais, je le fais encore pour mes amis artistes que je suis très proche, quand ils ont besoin, parce que des fois, ils vont dans des endroits... Bon, il n'y a pas de sono, il m'appelle, il me dit, tu peux venir, bah, je dis, ouais, ok, pas de souci. Oui, bien sûr, ouais, des fois. Bah, je fais ça pour des artistes belges que je connais bien, je fais ça aussi, je ne sais pas si tu connais Ted Sanders, le chanteur des Vagabonds. Si, je l'ai eu en phoneur, Ted Sanders. Ouais. Donc c'est un grand ami à moi, donc... D'accord. C'est une amitié qui dure depuis pas mal de temps, et puis on s'estime bien l'un comme l'autre, quoi. D'accord. Et dans ce métier-là, c'est assez rare d'avoir des amis sincères, donc oui, c'est vrai. Ceux que j'ai, je les garde. Bien sûr, puis c'est bien de s'entraider, enfin de s'aider aussi, hein, c'est vrai. Oui. Hein, c'est vrai. Ouais, ouais. Comme tu dis, le milieu artistique n'est pas toujours facile, c'est bien de... Il y a beaucoup de gens jaloux, beaucoup de rapaces, beaucoup de gens méchants aussi. Je m'en suis rendu compte parce que moi, j'ose le dire à l'antenne, j'assume ce que je dis. Vas-y. Quand je sonorisais les artistes, bon, ça allait parce que je faisais pas le même métier qu'eux. Mais dès que je me suis mis à chanter, j'aurais fait de l'ombre. Oui, d'accord, je comprends. Tout simplement. Mais bon, c'est là que j'ai vu que j'avais... C'est là que j'ai vu les vrais amis que j'avais, quoi. Oui, tout à fait. Là, ils se sont dit, tiens, il y a un nouveau qui arrive, là, attention. Ah, c'est souvent comme mais ça, bon, hein, c'est vrai. Moi, j'ai qu'il y a de la place pour tout le monde. Bah, bien sûr. On a chacun notre voix, on a chacun notre style différent. Donc, je ne vois pas la jalousie qu'il peut avoir, je ne comprends pas trop, moi. Enfin, bon. J'étais un petit peu surpris au départ, mais on m'avait bien ce que... Bien prévenu donc, mais quand on le voit par soi-même, ça surprend quand même, quoi. Ouais, c'est sûr. Tout en étant au courant. Il y a des fois, tu es déçu, hein, des fois, c'est vrai. Hein. Oui. Hein, c'est vrai, hein, tu dis, comme tu disais, c'est là qu'on voit où sont les... parce que c'est des gens que j'apprécie bien, et puis, c'est comme ça, quoi, mais bon. Bah oui, bien sûr. Grâce à ça, j'ai pu voir les vrais amis, mais... Bien sûr, c'est bien, quoi, mais bon... Autrement, tu fais des prestations tous les week-ends dans ta région ça là-bas. Un petit peu, disons que je commence à être un peu connu parce que bon, il faut déjà se faire sa place. Alors donc j'ai dû faire envoyer des flyers, tout ça. Oui, bien sûr. Ouais. Des associations, tout ça. Donc là, ça commence à démarrer. J'ai des petites dates là dans des campings. J'ai fait la fête de la musique. J'avais vu ça sur ton Facebook. Radio, j'ai fait l'anniversaire d'une radio belge, Radio Star. Il faisait ses 37 ans. Donc j'étais deux jours là-bas en Belgique. J'étais superbement bien accueilli. Ouais. Je suis très accueilli en Belgique. Je travaille beaucoup en Belgique. Ils sont sympas, les Belges. Ouais. Bon, on les a battus, hein. Oui, mais bon, il ne faut pas nous en vouloir. Non, mais non, non, enfin, on va rester copains. Non, non, mais c'est vrai que moi, je suis monté quelques fois aussi en Belgique. Je trouve qu'ils sont super sympas, accueillants, même dans le nord de la France aussi, les gens du nord, comme dirait la chanson d'Enrico Macias. Les gens sont tous très, très, très, très sympas, là. C'est vrai que... Et puis, pour te dire que je suis parti deux jours là-bas, donc j'avais rien pour coucher. Et puis, j'avais demandé aux gens de la radio, et puis ils m'ont dit, ben non. Et puis, du bouche à oreille, ils ont parlé comme ça. Puis, il y a une dame, spontanément, elle me dit, bah, écoutez, vous repartez pas, vous restez là. Elle dit, moi, j'ai une maison, j'ai trois chambres, je peux vous loger sans problème, sans nous connaître. Alors, j'ai dit, là, chapeau, parce que... Ah oui, c'est sûr. Tout ce qu'on voit maintenant, c'est vrai. Là c'était vraiment spontanément, et elle voulait pas qu'on parte, elle voulait que le lendemain, le samedi soir, qu'on reste, mais bon, j'avais autre chose le dimanche dans mon coin, donc il fallait que je reparte. Et elle a pleuré parce qu'on partait, elle dit, je vais me retrouver toute seule, j'étais bien avec vous, Bien sûr, ça va très toucher, quoi. Bah, c'est sûr, c'est vrai que là-bas l'accueil, c'est vraiment chaleureux. C'est vrai, c'est vrai qu'en Belgique, je vais là-bas pour enregistrer parce que, bon, je pourrais très bien enregistrer ici, a des studios aussi, mais bon, voilà, je connais, puis on se sent à l'aise parce que, voilà, bon, les gens sont sympas et tout, et je sais pas si tu connais DVM Productions. Oh, ça me dit quelque chose, David Vincent, c'est là que je vais pour enregistrer et puis faire les petits clips. Donc on est à l'aise avec David, on se connaît maintenant, bien sûr, on est amis, et puis voilà, c'est sympa, hein, c'est vrai que... Et puis comme moi, c'est avec Jamy, c'est pareil, c'est lui qui fait les pochettes du CD, enfin, je lui donne les photos, tout ça. On fait ça ensemble, quoi, mais on travaille beaucoup par téléphone, parce que bon, il habite... moi, j'habite à Amiens, mais lui, il habite à Carvin, dans le Nord. Ouais. Donc, c'est sûr. J'ai quand même 1h30 de route pour aller le voir, donc... Oui, bien sûr. Mais souvent, quand je fais par exemple une prestation le week-end, tous les lundis on s'appelle et puis il me dit alors ça va, c'est un bon week-end. Et puis je lui raconte ce qui s'est passé, comment les chansons sont ressenties, tout ça, puis ça lui fait plaisir. Quoi. Et je le mets toujours en valeur parce que sans notre équipe, un chanteur, sans notre équipe, un chanteur n'est rien. Quoi, voilà. Tout seul, on n'existe pas, quoi, si on n'a pas une équipe derrière. Bien sûr, exactement, tout à fait. Donc, moi, j'hésite pas à mettre les gens qui ceux qui collaborent avec toi, qui de les mettre en avant, quoi, je veux dire. Comme Mado, je la mets toujours en valeur, comme Jamy, je la mets toujours en valeur. J'ai un profond respect envers les gens que j'apprécie, puis qui font des choses pour moi, quoi. Bien sûr. Donc, voilà, quoi. Mais Mado, ces personnes-là, je serais pas là. Bien sûr, mais Mado, elle est très sympa, elle est très, très gentille. C'est un amour. Oui, c'est vrai. On se connaît, c'est vrai qu'on a un peu les mêmes goûts musicaux aussi, tout ça. Ouais, on le dit souvent ensemble. On a un peu les mêmes goûts musicaux, tout ça. Puis bon, on se dit, tiens, j'ai eu tel artiste cette semaine. Si tu veux, tu vois. Et puis c'est bien aussi pour les artistes, je veux dire, de se refiler. Ça fait un peu péjoratif de dire ça, mais voilà, on se dit, tiens, on a eu tel artiste. Tiens, si tu veux, voilà, je te donne les contacts, tu te mets en contact avec. Et puis voilà, quoi. Et puis après, ça permet de tourner comme ça un petit peu. Puis nous, ça nous permet de se faire connaître. Bien sûr. Alors Manu, si tu veux bien, on va écouter une deuxième chanson. Oui. Qu'on puisse écouter. On parle, mais il faut quand même qu'on écoute. J'espère que les femmes. Mais c'est vrai que c'est souvent, on dit que les femmes elles blablatent, mais nous aussi, les hommes. Nous on n'est pas mieux. Et puis surtout quand on est dans notre domaine, dans le domaine musical, dans notre passion et tout, c'est vrai que. Donc on écoute une autre chanson, donc qui s'intitule Ton sourire. Ok. Je n'oublierai pas ton sourire quand on s'est aimé. Je n'oublierai pas ton sourire se termine, qui avait bien commencé. Voir tes yeux qui s'illuminent, moi ça me faisait rêver. J'ai souvent de la peine quand je revois les photos. Je dois te dire que je t'aime. Je t'aime peut-être un peu trop. Je n'oublierai pas ton sourire quand on s'est aimé. Je n'oublierai pas ton sourire, il est gravé à jamais. Il faut que je me reprenne, je dois refaire ma vie. C'est ton amour que je traîne et que jamais je n'oublie. Toi, tu as tourné la page, je te souhaite le meilleur. Comme un oiseau dans sa cage, j'ai oublié le bonheur. Je n'oublierai pas ton sourire quand on s'est aimé. Je n'oublierai pas ton sourire, il est gravé à jamais. Je n'y peux rien, je t'aime encore, c'est la vie qui veut ça. Je n'y peux rien, je t'aime encore, mais c'est plus fort que moi. Je n'oublierai pas ton sourire quand on s'est aimé. Je n'oublierai pas ton sourire, il est gravé à jamais. Je n'oublierai pas ton sourire quand on s'est aimé. Je n'oublierai pas ton sourire, il est gravé à jamais. Voilà, voilà, voilà. Voilà, la nuit romantique sur nos ondes cet après-midi sur le 107 FM Radio Gemozo. On vient d'entendre ton sourire. Voilà, une belle chanson. C'est beau, un sourire. Moi, j'aime bien. Un beau sourire. Ah oui, c'est très beau. C'est comme un rayon de soleil. Ouais. Oui, tout à fait. Hein, c'est vrai. Mais bon, ouais. Bah, vaut mieux voir des gens qui, avec le sourire, que, qui font une. Qui font la gueule. Ouais, pour la gueule. On va le dire carrément. Non, mais moi, je l'ai dit, c'est pas grave. C'est pas grave. Les auditeurs, auditrices ne m'en voudront pas. Parce que. Ouais, c'est habituel, non, on met de la bonne humeur. Non, non, mais bon, je reste poli quand même. Mais bon, c'est vrai que. Oui. C'est quand même plus agréable, les gens qui sourient, que. Hein, c'est vrai. Ouais, tout à fait. Ouais. Un soleil. Alors là, je suis avec Marc à la technique, voilà. Puis de temps en temps, des fois, j'ai une animatrice qui vient de temps en temps, voilà, qui vient faire un petit bout de chemin avec moi, enfin un petit bout d'émission, enfin. Et puis bon, là, un sourire magnifique, voilà. Ah ouais. J'aime bien. Voilà. Non, mais voilà, c'est pour la petite note d'humour. Alors, Manu, une petite question. Est-ce que tu as participé quand même, toi, sur l'écriture et la composition avec Jamy? Pour ces chansons-là. Ben, sur chaque chanson, il me demande mon avis, à mon coach musical aussi, à Aliette, et il lui demande aussi son avis, parce qu'elle a une très bonne écoute musicale, donc le moindre détail, quand on fait des enregistrements, elle dit hop, il faut le refaire, parce qu'il y a un petit truc là qui ne va pas, donc on le refait. Donc, et lui, comme il est toujours dedans, il n'entend pas forcément, donc il nous demande toujours notre avis sur les arrangements, sur les musiques. Alors des fois je lui dis, bah tiens, tu pourrais pas mettre un petit coup d'instrument, par exemple un petit peu de violon, un petit peu de mandoline, il dit ouais, pas de problème, il le fait, il me dit alors ça te convient, je dis ouais, pas de problème, ça marche. Comme sur Romantico, je sais pas si tu la passeras, mais elle est prévue, oui, la bien mandoline sûr. Qu'il y a dessus, c'est moi qui... C'est ma touche... C'est ma touche personnelle. Ouais, d'accord, voilà. Ouais. Bah, c'est bien comme ça du travail, travailler en équipe comme ça. Je l'appelle passe-partout parce que quand je lui demande quelque chose, il le fait tout de suite, vite et bien. Et des fois, je suis pas, des fois, je suis exigeant, mais comme il veut le meilleur pour moi, et, ben, il le fait sans problème. Et puis, ça se passe très bien. Et il me situe bien, donc il me fait des chansons vraiment qui me vont comme un gant, quoi. Comme un gant, comme donc, on dit. Donc c'est ça que j'apprécie, puis je suis à l'aise dans les chansons, il me met à l'aise quand on fait des enregistrements, tout ça. Donc, d'accord, ouais. Et ce qui est bien, c'est qu'on reste toujours sur le thème de l'amour, mais tout en changeant le style. Par exemple, dans le prochain, il y aura un tango, il y aura une valse, il y a de la country, il y a un titre, on verra par rapport au temps, si on a le temps, qui s'appelle Le Vien, qui est un petit peu plus rythmé, je dirais non, ouais. Voilà, j'ai écouté. Ouais. C'est bien ça, hein, ouais. Oui, et justement, j'ai mon ami Ted Sanders qui aime beaucoup cette chanson-là, parce que bon, ça lui a d'accord. un petit peu son style, puisque lui, il est un peu rock'n'roll. Ah oui, bien sûr, ouais. Donc, il m'a dit, cette chanson-là est superbe. Ouais, ça pille. Ah, je lui dis merci, parce que quand on me fait des compliments comme ça, c'est magnifique, quoi. Donc, quand j'ai des compliments comme ça, ben, je les retransmets à Jamie, et puis comme ça, ça le booste et puis ça lui permet de continuer, quoi. Bien sûr. Ouais. Parce que oui, c'est Ted Sanders, hein, c'est, ça déménage avec lui. Hein. Ouais, et puis bon, ouais, c'est quand même une pointure, c'est quand même oui. Quelqu'un qui a eu des disques d'or, son parrain, c'est Johnny Hallyday, c'est pas n'importe qui non plus. Je suis fier d'être faire partie de ses amis, quoi. Ouais. Parce que on est très peu dans ce métier-là à avoir cette chance-là. Ouais, moi je l'avais eu pratiquement dans les débuts que je faisais de la radio, je l'avais eu de Ted Sanders j'avais eu aussi une jeune femme blonde, je me rappelle plus, Katie, voilà. Bah, j'ai une amie à moi aussi parce que j'ai longtemps, et puis bon, à l'époque ils étaient ensemble, et puis Katie Lucie, oui, j'ai dû la voir la semaine d'après, je crois, ou en suivant. Oui, aussi, et c'est vrai, comme je dis toujours, comme Mado le dit, c'est vrai, en radio, on se répète, mais bon, je dis, voilà, sur Facebook, tu vois, on connaît plein de monde, hein, c'est vrai que... Bah oui, voilà, ouais. Hein, on est une grande famille, toujours. Ouais. Hein, c'est bien, tout ça. C'est un Facebook, ouais, c'est bien, parce que ça permet de rencontrer pas mal de gens. Hein. Ouais. Après, il faut faire les bonnes rencontres. Sur qui on tombe, mais bon. Oui, souvent, on fait des belles rencontres. Oui, c'est vrai, quand même, pour la plupart du temps. Moi... je me cache pas, ça m'a quand même bien aidé. Point de vue artistique, parce que bon, faut se faire connaître, et puis c'est quand même un bon moyen de se faire connaître, quoi. Ouais, puis tout passe par là maintenant, c'est vrai, les réseaux sociaux, c'est vrai que c'est important, hein. Même des artistes qui sont connus, on va dire. Ça passe par là aussi, hein, c'est vrai que c'est tellement difficile aussi maintenant de se faire connaître, hein, de se faire un nom, tout ça, c'est difficile, hein, c'est vrai que même sur des... Mais bon, moi je veux pas non plus être numéro 1 au top 50, c'est pour ton plaisir aussi, passion avant tout, et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, moi c'est pas grave, on n'en fera pas, mais mon souhait c'est que ça marche quand même, parce que j'ai quand même investi pas mal d'argent, de temps, et puis si on fait un projet, on veut que ça marche, quoi. Bien sûr. Si ça marcherait pas, je serais un petit peu déçu, quoi. Mais je pense que ça devrait aller. Ouais, ça devrait aller, parce que bon, ils sont bien appréciés, et puis les chansons, les gens, ils les apprécient bien, donc bon, bien j'ai sûr. Toujours peur de ça, mais bon, ça se passe très bien, quoi. Les gens, ils adorent. On a besoin de belles chansons comme ça, les chansons romantiques, c'est vrai. Et puis, les romantiques n'ont pas disparu, ils sont toujours là. Il y en a toujours. Moi, j'ai voulu prendre, parce que bon, déjà, je suis romantique à la base, mais j'ai voulu prendre ce thème-là, parce que je trouve que dans les discothèques ou dans les balles, tout ça, les slow, ça disparaît, et ça, moi, je veux pas que ça disparaisse, parce que c'est à notre époque, c'était un moyen de flirter. Dame, quoi. De flirter, voilà. Pour dire gentiment, voilà. Pour flirter, hein, c'est vrai. Ouais, pour flirter, ouais, voilà. Donc, mais maintenant, moi, je sais que j'ai mon fils qui fait, disque jockey, ben il oui. passe. Passe pratiquement pas de slow, et moi des fois je lui dis il faudrait peut-être c'est pas ta génération, mais il faudrait peut-être en mettre, parce que oui. les gens recherchent ça. Bah c'est vrai maintenant, c'est si tu vas en discothèque ou tout, tu peux bah ouais, plus rien, tout le monde danse l'un devant l'autre ou l'un derrière l'autre. Mais donc, c'est vrai que c'était bien ces slow quand même, hein, pour emballer les nanas, c'était pas mal quand même. Ah ouais, non, mais c'est pour ça que quand la première fois que j'ai rencontré Jamy, il me dit tu veux faire quoi comme style de chanson, alors donc je lui ai expliqué. Ah bah oui, il me dit y a pas de souci, parce que dis-moi, je suis au service du client, quoi. Donc on a fait le premier album qui s'est très bien vendu. C'était des chansons aussi romantiques, romantique, Manu. Ouais. Il m'avait fait une chanson qui est un peu triste, mais je la chante rarement parce que j'ai du mal à la chanter. C'est parce que c'est une chanson sur ma maman, donc c'est autobiographique. J'ai enregistré, mais je la chante rarement parce que j'ai du mal à la chanter, quoi. Oui, je comprends bien. Ouais. J'ai ma maman qui est toujours là, mais bon, en maison de retraite. Ouais. Donc voilà, quoi. Et comme la maladie d'Alzheimer, donc elle sait pas que je chante, donc j'aurais bien voulu que qu'elle me voie. Où est-ce que j'étais arrivé, où c'est que tu es arrivé dans ce domaine. Oui, bien sûr. Oui, voilà. Donc, oui, tout à fait. Ouais. Voilà, quoi. Mais il m'a fait une magnifique chanson. D'accord. Alors Manu, si tu veux bien, moi je serais d'accord. Tu sais que tu as un titre qui s'appelle Une rose pour toi. Alors, on va l'écouter, puis je voudrais bien qu'on l'envoie à toutes les dames. À toutes Qu'on l'a dédié. Parce que c'est sa chanson préférée. Oui, je sais. je viens de lui mettre un petit texto là. Oui, je sais. Je commence à la connaître, madame, maintenant. Oui. Non, puis on l'envoie à toutes les dames, à toutes les auditrices, bien sûr, et puis à toutes les dames qu'on connaît. J'envoie à toutes les femmes de mon équipe. À Nénette, à Mado, à mon ami Hollande qui m'accueille quand je suis dans le Nord. Dans le Nord, ouais, d'accord. Je t'en parlerai après quand je vais te laisser mettre la chanson. D'accord, alors on va écouter donc Une rose pour toi. D'accord. J'ai gardé une rose pour toi, mon amour, je ne t'oublierai pas, je vais bien et pourtant... Je pense à toi souvent. Le temps passe, il y a longtemps déjà, et le bonheur ne s'efface pas. Mon amour, j'ai gardé une rose pour toi. Il n'y a rien de plus beau qu'un amour qui arrive comme un cadeau. Mais crois-moi, je ne t'ai pas oublié. Tu es là, dans mon cœur, à tout jamais. J'ai gardé une rose pour toi, mon amour, je ne t'oublierai pas. Je vais bien et pourtant, je pense à toi souvent. Le temps passe, il y a longtemps déjà, et le bonheur ne s'efface pas. Mon amour, j'ai gardé une rose pour toi. J'ai gardé une rose pour toi. Mon amour, je ne t'oublierai pas. Tu as changé ma vie, mon amour, je te dis merci. J'ai garder une rose pour toi. Mon amour, je ne t'oublierai pas. Je vais bien et pourtant je pense à toi souvent. Le temps passe, il y a longtemps déjà, et le bonheur ne s'efface pas. Mon amour, j'ai gardé une rose pour toi. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. J'ai gardé une rose pour toi, mon amour, je ne t'oublierai pas. Je vais bien et pourtant je pense à toi souvent. Le temps passe, il y a longtemps déjà, et le bonheur ne s'efface pas. Mon amour, j'ai gardé une rose pour toi. Une rose pour toi, voilà Manu Romantique. C'est beau ça. Oui, c'est beau. Hein, ah, elle reste bien dans la, elle nous reste bien dans la tête. Hein. Ouais, ouais, là, ouais. C'est une de mes, je dirais, c'est une de mes préférées sur ton album. Justement, j'allais te poser la question. Ah, tu m'as demandé. Je t'ai demandé laquelle que tu préfères. Ah, tu vois. Non, c'est vrai que bon, après elles sont toutes belles, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour celle-ci. Hein, ouais, bah, ma dossier, elle adore celle-là. Ouais, elle adore celle-là et bonjour madame. Et bonjour madame, d'accord. Ouais. Alors j'aime bien parce que dans cette chanson, il y a un solo de, par un moment, juste avant que tu parles, enfin que tu parles, je veux dire, il y a un solo de comment ça s'appelle, mince. Saxo. Saxo, voilà, ça là. Voilà. un solo un de saxo, pardon. Ouais, c'est un instrument que j'adore. C'est pour ça que. C'est beau le saxo. Quand on a fait les chansons, je demande toujours à Samy de me mettre dès qu'il peut un peu de saxo. Parce que j'adore ça. Et puis souvent dans les slows, il y a beaucoup de saxo. Le saxo, oui, c'est vrai, tout à fait. Ouais, ouais. C'est un instrument que j'aime bien. Bon, je ne sais pas en jouer, mais bon, c'est un instrument ça passe bien. Ouais. Et puis, ouais. Et puis avec la voix parlée un petit peu aussi derrière, après, ça donne une dimension. C'est pas mal, je trouve. Ben ça, j'ai fait tout à fait par hasard. Ouais. Parce que j'ai enregistré la chanson, mais c'était pas prévu dans le. Jamais il l'avait pas prévu ça, et puis en enregistrant, j'ai fait ça spontanément comme ça. Il m'a dit, bah, c'est pas mal, ça on le garde. Bah, j'ai ouais. Bah, regardez. Ouais, non, mais des fois, ça arrive comme ça, des fois, hein, les petites choses comme ça. Quand tu écoutes la chanson, ou voilà, tu dis, tiens, là, je mettrais bien quelque chose de plus, ou ouais, je mettrais bien un petit pont musical de telle façon. Les gens qui m'entourent, ils me disent que quand je parle dans une chanson, ils aiment bien ma voix quand je parle dans une chanson. Ben, je vais pas faire ça à chaque fois, mais. Oui, bien sûr, mais sur l'occasion de le faire, je le fais, quoi. Sur une chanson, bien sûr, ça passe bien. Ouais, ça passe bien. Pas mal. Mmh. Ah bah, je suis content que ça te plaise aussi. Ah oui, non, mais j'aime bien. Puis c'est vrai que celle-ci, on la retient bien, hein, c'est vrai. Ouais, on la retient bien. Ouais. Et puis, comme on disait, tu vois, quand on avait les slows, bah, ça permettait de voir des jeunes filles. Et puis, bon, bah, une rose, voilà, ça permet aussi de faire passer, petit bonjour, un petit coucou. Ouais. Un public de bah, à peu près de notre âge, quoi. Oui. Et bon, ils apprécient ça parce qu'eux, ils ont connu ça. Donc bon, je suis pas chanteur pour la nouvelle génération, parce que eux, c'est pas du tout leur truc. Bien sûr, ouais. Mais les gens d'un certain âge, entre 40 et 60, 70 ans, quoi. Ouais, ils aiment bien, quoi. Ils adorent ça, quoi. Parce que ça leur rappelle leur jeunesse. Et puis, comme ils disent, l'autre fois, je rencontre un monsieur, il me dit, ah, j'adore vos chansons. Il dit, continuez comme ça, mais restez dans ce style-là. Il dit, parce que ça manque. Ne bah, changez rien. C'est pour ça que. On voit que. Ça leur manque, quoi, parce qu'il n'y a plus beaucoup de... Il n'y a plus beaucoup de chanteurs romantiques, ouais, hein, je dirais, c'est vrai, quoi. Hein, c'est vrai, Ça, c'est bien. C'est bien. Au départ, j'ai dit, bon, je vais peut-être dans un truc risqué, mais bon, j'ai dit, tant pis, c'est mon choix. Ça marche pas, mais bon, j'avais envie de faire ça, et puis je regrette pas, quoi, parce que bien sûr. Je donne du bonheur aux gens, et puis les gens apprécient, donc pour moi, donner c'est du ça. Bonheur, ça m'apporte du bonheur en même temps, quoi. C'est ça, bien sûr, le principal. Donc, alors, sur ton futur album, tu vas un petit peu aussi, quand même, tu n'as pas peur de dérouter un petit peu ton public? Ah, parce que tu m'avais dit que tu ferais quelques chansons un peu, peu plus rythmées, peut-être, non? Ça reste dans le romantique, parce que c'est... Le style de musique change, mais ça reste toujours sur le thème du romantisme. D'accord, ouais. Okay. Quand Jamie m'a fait, il me dit, ça te plairait de faire une chanson country, j'ai dit, bah, écoute, envoie-moi pour voir un peu ce que ça donne. Ouais. Et j'ai accroché tout de suite, et ça parle d'amour, et puis elle me va très bien. Donc j'ai dit, je la garde. Et il m'a dit, bah ok, on la prévoit pour le prochain. Et il m'en a envoyé 2-3 comme ça, et puis C'est bien. J'ai dit, bah ouais, c'est pas mal, mais je reste toujours dans mon thème de base, quoi, dans le romantique. D'accord. J'ai pas passé carrément du slow au rock, quoi. Oui, c'est autre chose. Un peu rythmé comme celle que tu me disais tout à l'heure, mais ça parle d'amour quand même, quoi. Oui, bien sûr, ouais. D'ailleurs, on va l'écouter. Que je voulais dire, je ne sais plus. Oui, je veux dire, ben, si tu fais une chanson country, oui. tu sais qu'on est écouté au Québec, hein? Ah bon? Ah bah oui, tu... Ah, okay. Tu as entendu tout à l'heure dans le... Je fais le petit coucou. Bah, j'ai pas entendu le générique. Alors bon, ouais, t'as pas entendu le générique et puis mon intro, non. Mais donc... alors, ça, j'en profite, je rebondis de toute façon pour te dire, ben, l'émission, elle sera en podcast sur la page de notre radio. Oui. Hein? Donc, okay. Donc, et puis après, ben, moi je la prendrai, puis je la repartagerai sur mon Facebook officiel. Okay. Comme ça, donc, si tu veux, après, toi, tu pourras repartager pour toutes les personnes qui nous suivent, enfin, qui te suivent, pardon. Pas de soucis, avec c'est comme ça. Voilà, tu auras toute l'émission comme ça pour partager, hein. Ok, il n'y a pas de soucis. Voilà. Donc, alors là, on va écouter, ben, donc, cette chanson vient, hein. Donc, comme je disais, qui est un petit peu plus rapide, et puis après, on verra pour la suite, hein. D'accord. On fait comme ça, d'accord. Manu. Donc ok, on fait comme ça. On écoute, viens. D'accord. Avec toi, je me sens bien, bien, bien, bien. Je n'ai plus besoin de rien, rien, rien, rien. Je te demanderai ta main, main, main, main. Je t'aimerai, allez, viens, viens, viens, viens. Il faut toujours s'en aller. Quand on aime, découvrir le monde entier sans problème. Aller toujours droit devant, là où nous mène le vent. On profite du bon temps en chantant. Avec toi, je me sens bien, bien, bien, bien. Je n'ai plus besoin de rien, rien, rien, rien. Je te demanderai ta main, main, main, main. Je t'aimerai, allez, viens, viens, viens, viens. Mais dans la vie, on a parfois des surprises. Je ferai tout pour te garder, compte sur moi. Depuis que je t'ai rencontré, je suis amoureux, tu le sais. Je ne pourrai plus jamais vivre sans toi. Avec toi, je me sens bien, bien, bien, bien. Je n'ai plus besoin de rien, rien, rien, rien. Je te demanderai ta main, main, main, main. Je t'aimerai, allez, viens, viens, viens, viens. Voilà, viens. Voilà. Eh ben, voilà, c'est rythmé, mais comme tu dis, ça reste rythmé, dans le contexte. Ça parle toujours d'amour. Mais ça parle toujours d'amour, c'est bien, mais ça change un petit peu, oui. Non, mais toi, là j'aurais cru entendre un petit peu Le style de Ted Sanders, hein, un petit peu, tu sais, dans... Ouais, ah, c'est vrai, quand il a écouté l'album, il a dit, celle-là, j'adore. Bah ouais, je comprends bien maintenant, c'est vrai que... Ouais. Mais, justement, pour revenir aux chansons, c'est-à-dire que c'est très difficile de faire un choix, parce que j'ai un auteur-compositeur qui bosse tout le temps, et quand il t'envoie des chansons, il t'en envoie pas une, il t'en envoie pas deux, oui. Il t'en envoie une dizaine, et une vingtaine même, et il faut que tu fasses un choix. Bien donc, sûr. Je peux pas mettre 50 chansons sur un album, parce que bon... Non, il faut pas que tu fasses... Il faut pas que tu fasses l'intégrale. Il y a un coup aussi. Il y a un coup aussi, oui. Donc, c'est extrêmement difficile de choisir, parce que toutes les chansons sont belles, et puis j'ai eu du mal à faire un choix. Alors, ce que j'ai fait, j'ai fait écouter à mon entourage toutes les chansons. D'accord. Et je leur ai dit, voilà, sur une feuille de papier, vous me marquez ce que vous en pensez, si vous aimez, si vous aimez pas, voilà, ce qui va pas. Et grâce à ça... j'ai pu faire l'album pour mon public, parce que bon, je fais pas un album pour moi, je le fais pour mon public. Et j'ai demandé à Jamy, je dis bah écoute, je voudrais que tu me fasses une chanson pour remercier mon public, parce que sans public on n'est rien. Ah oui, bah écoute, je te fais ça. Donc elle est arrivée en dernier, mais j'ai dit je la mets. Et c'est Si un jour, et cette chanson-là. Si un jour, ouais. J'avais écouté, tout à fait. Ouais, c'est vrai qu'elle est, belle aussi. J'adore cette chanson. En fait, pour remercier donc ton public. Hein, et, voilà. Les gens l'apprécient. Ouais, d'accord. J'aime bien, ouais. L'autre fois en Belgique, on me l'a demandé de la refaire une deuxième fois, parce qu'ils adoraient. Ça fait plaisir. Bien sûr. Bah écoute, Manu, si tu veux, on peut... Bon, moi j'avais pris un petit peu Tu fais comme tu veux. Hein. Non, mais si on peut très bien la passer. Hein. Il y a pas de souci. Okay, voilà, comme ça, puisque tu en parles comme ça, c'est vrai qu'il n'y a pas de problème. Parce que cette chanson-là me tient à cœur, parce que voilà, c'est pour ça, ouais. Je la dédie à mon entourage, à mon équipe et puis à mon public surtout, parce que bon, comme je dis toujours, sans public, sans équipe, on n'est rien. Quoi. Ah bah bien sûr, bien sûr, tout donc à fait. Si j'existe maintenant, si je te parle à la radio, c'est grâce à ces gens-là, et j'aime bien remercier les gens qui me font du bien. Ouais, c'est tout à fait. Voilà. Bien, je veux dire... C'est mon côté romantique à moi. Voilà. Autrement, tu chanterais pas ça. Ton album, Manu, on peut en parler aussi à la radio. Hein, oui. Si des fois ça pouvait... Des fois, s'il y a des auditeurs, des auditrices... On se le procure de quelle façon? En passant par Radio Game Ozone. Ah oui. En premier. tu transmettras à Mado ou à moi, mais autrement on peut passer par Mado sur Radio Plus Haleine sur la Cité, parce que bon, tu fais pas concurrence parce que c'est loin. Hein. Non, il n'y a pas de souci, mais non. Elle est plus près de chez moi. Bien sûr, oui. Et souvent elle fait ça pour ses artistes qu'elle aime bien. Donc mais on peut se le procurer sur mon Facebook en m'appelant, en me contactant. En te contactant en message. Mon site d'artiste, c'est Manu Romantique. Ou alors Romantique. Sur mon site privé, c'est manu.duf@live.fr. D'accord. On peut m'appeler, au téléphone si on veut. Oui. On peut m'appeler au 06 25 57 50 15. Je répète, 06 25 50 57 50 15. Voilà. Comme ça, voilà. C'est fait. On l'a dit. C'est fait. Voilà. C'était la minute de la pub. Alors, je repense à une chose, parce que ton nom c'est Dufetel, c'est ça, hein? Oui, c'est ça, oui. Mais j'avais j'avais un ami qui s'appelait Dufetel. Sur Facebook. Ouais. Est-ce que tu avais quelqu'un qui... Alors je sais plus son prénom. Parce que je... Ah mince, enfin c'est pas grave. Je vais pas faire d'aparté là, mais... Elle était dans le Pas-de-Calais. Ouais, si, elle était dans le Pas-de-Calais, je crois. Oui. Muriel, non. Muriel, non. Non, mais c'est pas grave, Je sais plus, mais... Moi, je me demandais si c'était parent avec toi, tu vois, parce qu'on a... On a été amis 2-3 ans sur Facebook, puis après je sais plus, je l'ai plus vu après, non, je sais pas. Non, non, on n'était pas, pas de famille, mais on se, je la connais, hein, je la connais puisque j'ai été déjà dans les dans les spectacles qu'elle organise. Elle fait des, elle organise des spectacles normalement. Oui, oui, c'est ça, oui, ouais, tout à fait. Ça, ouais, c'est cette personne-là. Ah oui, mais c'est cette personne-là, alors d'accord, moi, voilà, je ne m'étais pas trompé. Elle est très sympa en plus. Oui, oui, oui, oui. Justement, elle m'a dit, ah, tiens, vous avez le même nom que moi. Je dis, oui, mais on n'est pas de famille. D'accord. Et elle, c'est avec un L, je crois. Moi, c'est deux L. D'accord, ok. Alors, Manu, si tu veux, on va écouter donc cette chanson. Oui. Il est 16h55, tu vois, ça, ça fait une heure bientôt. Ça passe vite, hein. Ça passe très vite. Ça passe très vite. Alors, on va écouter cette chanson, Si un jour. Ok. Si un jour vous me donnez la chance de chanter pour vous, j'en ai rêvé. Je suis prêt à passer des nuits blanches si seulement vous vouliez m'écouter. J'ai besoin de remonter sur scène et de retrouver tous mes amis. On oublie nos ennuis et nos peines pour gentiment profiter de la vie. Je m'entraîne tous les jours à chanter des chansons d'amour. Grâce à vous, je reviendrai. Vous m'avez toujours aidé. Chance de chanter pour vous, j'en ai rêvé. Je suis prêt à passer des nuits blanches si seulement vous vouliez m'écouter. J'ai besoin de remonter sur scène et de retrouver tous mes amis. On oublie nos ennuis et nos peines pour gentiment profiter de la vie. Je donnerai le meilleur. Je serai votre serviteur. Quand on sera réunis, on chantera toutes les nuits. Si un jour vous me donnez la chance de chanter pour vous, j'en ai rêvé. Je suis prêt à passer des nuits blanches si seulement vous vouliez m'écouter. J'ai besoin de remonter sur scène et de retrouver tous mes amis. On oublie nos ennuis et nos peines pour gentiment profiter de la vie. Voilà, si un jour, Manu romantique. Voilà. Ouais. Voilà. Bah dis donc, c'est une belle chanson, c'est vrai, comme tu disais. Ouais, c'est vrai que cette chanson, dès la première fois que j'ai écouté, ça m'a pris à cœur et j'ai dit, ah celle-là, je la veux. J'ai pas hésité. Il y a des chansons que j'ai hésité, mais il y a des chansons que j'ai pas hésité. Bien sûr, ouais. Ouais. Ouais, mais c'est vrai, t'as bien fait de la mettre dans ce. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. C'est vrai que les gens se reconnaissent aussi là dans ce, hein, dans ce, dans cette chanson, oui, hein, bien sûr. Hein. Alors, si je peux me permettre de lancer un petit message. Vas-y, vas-y. Si dans ta région il y a des organisateurs de spectacles ou. S'ils sont à l'écoute, si ça les intéresse, je me ferai un plaisir de venir. Bah écoute, c'est très bien. Alors, puis j'espère que tu viendras c'est aussi. Jamais, hein, bien sûr. Puis j'espère que tu viendras aussi, bien sûr, la prochaine fois. Hein, pour la, donc, ah, il n'y a pas de souci, je te l'ai promis sur l'antenne. Pour la prochaine fois. Hein, la prochaine fois, je viendrai de visu et avec, avec mon harem. Voilà, tu amènes ton harem. Ouais. Alors Manu, je te remercie. Tu auras des beaux sourires autour de toi de belles femmes. Ah bah écoute, tu sais, j'aime bien être bien entouré, moi. Ouais. Non mais voilà quoi, c'est un peu le métier qui fait ça, hein, c'est vrai? Ouais, oui. C'est un peu le métier qui fait ça. Alors Manu, ouais. Bah, écoute, je voulais te remercier donc voilà d'avoir été sur nos ondes cet après-midi. Ça passe vite. Et puis oui, merci vite. Pour j'ai pas vu l'heure passer. Merci. Mais c'est moi qui te remercie pour ta sympathie aussi. Hein, c'est vrai que, et puis de toute façon on en refera une autre, on en refera la prochaine ouais. fois, on fera en live, et puis bien sûr il n'y a pas de problème. Okay. Hein. Donc moi je te souhaite ben, plein de bonnes choses, plein de bah, toi aussi, pour ton album. Bon courage pour ton futur album aussi. Ouais, bon, on va travailler cet été. On va prendre un peu de vacances quand même, mais bon, on va travailler cet été. J'ai travaillé pas mal cet été aussi sur tous ces projets. Bien sûr, pas mal de boulot. Mais on bosse toujours, nous les artistes. Oui, toujours. Hein. C'est pas un métier facile, on croit que c'est un métier facile, mais c'est non. C'est pas des métiers faciles. Non, c'est pas des métiers faciles. On veut donner du bonheur aux gens, donc il faut travailler. Bah, bien sûr. Voilà. Encore merci Manu. Bah, merci à toi. À encore, très bientôt. Je te fais des bises, et puis ma foi. Moi aussi, et puis j'ai hâte de te voir de visu. D'accord, ok. À bientôt Manu. Okay. Merci beaucoup. Allez, à bientôt. Et bon courage pour la suite. Merci à toi aussi, porte-toi bien. Merci à toi aussi. Au revoir. Au revoir. Voilà, amis auditeurs, auditrices, l'émission se termine. Voilà, donc, c'était la dernière émission de la saison. On se retrouvera bien sûr au printemps. On se retrouvera en septembre. Non, mais je ne sais pas si vous avez entendu, mais j'ai un petit peu la voix enrouée, puis je me suis un petit peu shooté avec des cachets. Alors. Non, voilà. Donc, voilà, donc, portez-vous bien, passez des bonnes vacances. Portez-vous bien, voilà. Et puis, ben, bien sûr, allez les Bleus. On espère qu'on va gagner la coupe cette année. Ça serait bien pour les 20 ans. Voilà. Et là, on va se quitter sur une chanson d'un chanteur canadien, Pierre Lalonde. Je trouvais que c'était bien pour terminer. C'est le temps des vacances. Merci Marc. Bye bye pour la tech. Autrefois, mon cœur ne battra que pour toi. C'est le temps des vacances, la saison de mai. C'est le temps des romances, comme l'été dernier. Revenons très vite ensemble.